Écoulement. Enfin, je roule sur les routes africaines. Une chose à savoir à propos de leur état, ne pensez jamais que vous êtes sur la pire portion, car en Afrique, il y a toujours pire, plus loin. Personnellement, pour éviter la circulation, je roulais toujours de nuit et sur les routes nationales. Les premiers jours se sont bien passés, sauf après la grosse montée vers Talmest. Le problème ne fut pas la côte que j'ai franchie à 4 heures du matin, mais l'incident arriva une fois garé à la sortie de la ville. Les voyageurs venant d'Europe culpabilisent de la façon dont ils ont obtenu leurs biens. Alors pour acheter la sympathie de la population, ils ont pour habitude d'arroser les enfants de cadeaux. Visiblement, ce qui germe et pousse après, c'est la corruption et la prostitution. M'étant couché à l'aube, je cherchais encore le sommeil quand vers 10 heures, « Cadeaux, cadeaux, on veut des cadeaux, cadeaux !» Des jeunes ont commencé à venir toquer sur le fourgon. Je sors leur expliquer que je n'en avais pas et que je devais dormir. À 13 heures, épuisé, je ne me levais plus pour leur répondre, et à 16 heures, ils ont commencé à lancer des pierres. Après les avoir calmés un temps, à 18 heures, je décidai de reprendre la route, alors qu'une cinquantaine d'enfants étaient autour du fourgon. Quand ils ont vu que je commençais à partir, les pierres ont recommencé à pleuvoir. L'une d'elles explosa ma vitre arrière. Je sortis pour attraper le coupable, mais ils se transformèrent en fuyards. Cette perversion des jeunes par le tourisme me fit prendre conscience qu'il valait mieux que j'évite ces villes empoisonnées. À partir de Talmest, je vais donc dormir en campagne. Ou sur cette portion, je vais dormir dans le désert. Les endroits les plus tranquilles sont les relais de télécommunication, des tours métalliques de 50 mètres. Il y a toujours une route pour y accéder avec un grand parking et un gardien à l'intérieur. Un peu comme un gardien de phare dans une mer de sable, ils sont très accueillants, notamment chez les Sahraouis. C'est un peuple du sud marocain qui aurait dû avoir son indépendance depuis 25 ans. J'ai d'ailleurs pu ressentir qu'à partir d'Agadir, il y avait sur le damier marocain un changement de case. Dans le nord, les policiers cachent leurs extorsions derrière le voile d'une certaine discrétion et sophistication. Ils ne veulent pas salir la blancheur de leur légitimité internationale. Mais dans le sud, en zone occupée, leurs bêtises et le raisonnement binaire sont à nu, noir-blanc. Il n'y a pas de barrière dans la pigmentation de la peau, donc sur l'échelle pigmentocratique et à cause du taux de mélanine, les barreaux sont très glissants. C'est à ma connaissance la seule échelle où on peut chuter dans les deux sens. Par exemple, ceux qui se définissent comme arabes ne sont ni noirs ni blancs, donc seraient tous des bâtards selon un typologiste. Pour avoir une légitimité, leur existence implique leur soumission à la religion et au livre de la Genèse. C'est du pur surnaturel, car les frontières colorimétriques sont indéfinissables. Alors l'interprétation policière est la suivante. Si tu as une couleur de peau plus claire que lui, il t'escroque. Panneau illisible, radar imaginaire, panneau stop autour des ronds-points. Mais avec respect, spéculant que tu es de ceux qui permettent à son roi de n'être pas mis en échec. Si tu as une couleur de peau plus foncée que lui, il fait régner l'apartheid en jouant sur la nostalgie de l'empire marocain, et surtout le racisme musulman. Je suis d'origine arabe, donc je suis plus proche de Dieu, donc je te domine et tu me dois le respect. En résumé, pour eux, la police, blancheur implique proximité à Dieu, donc priorité. Par exemple, si tu es à un poste de police et qu'il arrive un moins pigmenté, il repartira avant toi. Puis l'agent viendra te dire avec moins de politesse « Donne-moi de l'argent, tu vas avoir des problèmes. » L'avantage quand tu es humaniste et rentable en vie, il n'y a rien qui te domine. Regarde le policier dans les yeux et tu verras que dans sa tête, c'est un naufragé sur l'océan des couleurs. Il s'est réfugié sur une palette que son vrai dieu, l'argent, peut faire chavirer à chaque instant. Il se serait noyé depuis longtemps, mais le véritable problème, c'est que dans le flot des voyageurs, il y en a qui payent. Nous, humains, avons le devoir de mettre fin aux privilèges. Durant mes 8 mois de voyage, j'ai passé sans payer 400 barrières de douane et de police. Voici le résultat de mon expertise. La police s'engraisse de ceux qui veulent vite et à tout prix continuer leur route. Tu veux gagner du temps, tu donnes de l'argent. Inversement, tu ne veux pas en donner, tu leur fais perdre du temps. La principale astuce est donc de les affamer en mangeant leur temps. Pour ce faire, arrêtez-vous au niveau du panneau Halte Police et attendez le temps nécessaire pour qu'un policier vous dise d'avancer. Même s'il n'y a personne de visible, attendez qu'il sorte de sa cachette. Ensuite, avancez très doucement jusqu'à lui et demandez-lui où vous pouvez vous garer. Garez-vous au milieu du parking en essayant qu'aucun autre véhicule ne puisse s'y garer. Ainsi, ils seront obligés de traiter votre cas rapidement. Attention, très important. Quand vous serez garé, éteignez votre moteur. Preuve que vous avez le temps. Tendez-lui la liasse de documents et directement commencez à lire un gros livre. Ou sortez pisser. Ou... En gros, à cette étape, montrez-leur que vous êtes le maître du temps. C'est sûr, une fois, ils vont vous faire perdre 2 heures. Mais c'est rentable, car ils ont des téléphones et communiquent entre les postes. Donc si vous payez une fois, aux autres postes, ils ne vous laisseront jamais passer gratuitement. Enfin, lorsqu'ils vous rendront vos papiers en vous disant de partir rapidement, c'est alors que, calmement, vous vérifiez bien qu'ils vous ont rendu tous vos papiers. Dans le pire des cas, celui où ils ne voudraient pas vous rendre un document, menacez-les d'aller voir leur chef à la ville la plus proche et commencez à faire du stop. C'est radical. Ils vous rendront vos papiers. Souvenez-vous qu'un fonctionnaire a peur des vagues. Si vous voulez vous expérimenter ou vous perfectionner dans la technique anti-paye, je vous conseille la poudrière de Laayoun. C'est la capitale du peuple sahraoui. Là-bas, la quantité de militaires et de policiers dans les rues dépasse celle des habitants. Dans les yeux des autochtones brille la flamme de l'indépendance. C'est du brûlant pour le nationalisme marocain. Après la ville de Laayoun, c'est le désert. Ça a son charme. Attention, à prévoir de l'eau et suffisamment de carburant, car les stations-service sont rares. C'est sur cette portion que j'ai fait mon meilleur score de consommation. Moins de 8 litres d'huile pour 100 km, avec 4500 kg. En comparaison, une voiture de 1000 kg aurait consommé plus de 4 litres de gazole. Après 800 km d'un désert qui ne l'est pas, je suis arrivé au poste frontière du Maroc dans la nuit du 5 au 6 janvier 2011. Le lendemain, après les quelques tracasseries douanières, je traversais le No Man's Land de 4 km qu'il y a entre le Maroc et la Mauritanie. Je me garais au premier poste, celui des militaires mauritaniens. Après être allé à pied au poste de police, le contrôle de mes documents d'identité se passe très mal. La seule chose qu'ils avaient réussi à me voler à Ceuta était une grosse pochette. Il y avait à l'intérieur les adresses et les contacts de centaines de personnes rencontrées durant ces 5 ans de nomadisme, mais aussi mon passeport sénégalais. Néanmoins, il me restait ma carte d'identité sénégalaise. Or, comme il n'y a pas de visa entre le Sénégal et la Mauritanie, j'aurais dû passer tranquillement. Malheureusement, le psychopathe et chef de la police, sachant que j'avais aussi un passeport français, voulait me faire retourner jusqu'à Rabat pour que je paye un visa. Aller-retour 2500 km. Ou que je lui paye un bakchiche. Chantage. Toujours inenvisageable. Hors de question de verser dans la corruption. Il faut remarquer la discontinuité dans la chaîne d'information sur ma détermination et ma capacité à faire des vagues. En vagabond, je me suis installé dans le No Man's Land pour trouver les failles permettant de traverser leurs murets nationaux. No Man's Land, en anglais, c'est une zone sans habitants. En français, c'est l'espace compris entre 2 belligérants. Ici, physiquement, c'est une portion de désert assez large pour que ces affreux ne puissent pas s'entretirer dessus, mais concrètement, c'est une grande décharge. Il y avait, moi, des centaines de carcasses de voitures, des milliers de pneus morts, des scorpions, des serpents, et surtout du vent qui siffle et souffle en continu. Il n'y a pas vraiment de route, mais si vous ne voulez pas verser des sous à un guide, il vous suffit de suivre les traces sombres de vos prédécesseurs serpentant sur le sable, et ce, sans céder aux sirènes des splendides allées bordées de pneus. Ces boulevards sont des pièges qui servent à vous mener sur des zones de sable mou. Des souricières où, une fois ensablées, les guides vous soutireront un maximum de liquide avant de vous accrocher et de vous sortir de ces ornières. Une fois remis sur le bon chemin, vous remarquerez que dans cette zone du Sahel, le vent est très constant et circule toujours dans le même sens. Souvent, son bruit finit par être intégré, soustrait et annulé de la conscience, ce qui permet d'écouter la nuit un silence que seul le désert peut offrir. Les douanes étant fermées à 18h, je pouvais l'apprécier tranquille, étant l'unique habitant de ce devenu One Man's Land. Inversement, la journée, c'était le bazar. En ce mois de janvier, des milliers de voitures et de camions passaient. C'était la période du rassemblement religieux du Magal de Touba, au Sénégal, et de très nombreux croyants mourides rentraient chez eux pour l'occasion. Fréquemment, il y avait un bouchon d'une centaine de mètres devant mon fourgon. Il était une véritable attraction à voyageurs. Beaucoup de passagers étaient intrigués par mon éolienne, et plutôt que d'attendre dans leur carrosserie surchauffée, ils venaient discuter. Je leur expliquais la raison de mon stationnement, et je faisais monter la pression contre les fonctionnaires. Au bout de 10 jours, je connaissais bien le train-train de la douane. C'est alors que j'aperçus une voiture qui, au lieu de se mettre dans la file d'attente, bifurqua et s'enfonça dans le désert. Cette fois-ci, c'était moi qui étais intrigué, car les environs avaient la réputation d'être jonchés de mines. Opportuniste, je monte sur mon toit pour l'observer. Aucune explosion sur sa trajectoire. La nuit même, sous la pleine lune, je sortis mon VTT et je suivis la même route. Après 1 km vers l'ouest, je tombe sur un chemin perpendiculaire. Il était en meilleur état que la route principale. Je bifurque en direction du sud. Au bout de 2 ou 3 km, j'avais contourné la douane de la Mauritanie. Je voyais la route goudronnée quand tout à coup, j'entends derrière moi un bruit de moteur. Une patrouille de l'armée ? Dans cette situation, elle ne fait pas de cadeau. Je cours et je plonge derrière un rocher. Le véhicule apparaît au sommet de la dune. C'était un fourgon Mercedes, tout feu éteint. Il passe à 10 mètres. Un trafiquant. J'avais ma réponse. Il était possible d'éviter ou chanter les douanes passoires. Pas la peine d'aller plus loin, alors demi-tour et retour au fourgon. Je n'avais pas fait 300 mètres que j'entends un nouveau moteur. Je replonge derrière un autre rocher, plus petit. Cette fois, c'était une Renault 21. 1 km après, une autre voiture. Mais cette fois, il n'y avait plus de rocher. Je cours et m'allonge simplement sur le sable, à 20 mètres de la route. J'étais aussi bien caché qu'une autruche, mais elle passe. Les trois conducteurs étaient peut-être trop concentrés à rester sur la route sans leur phare. Cependant, à 800 mètres de mon fourgon, alors que je pédalais face au vent, je n'ai pas entendu la Mercedes noire qui arrivait en face. Le conducteur a pilé et est sorti de sa voiture. Il devait être étonné de croiser un cycliste sur cette route et à 2h du matin. Je lui ai laissé diplomatiquement le passage et suis allé dormir. Fort de cette expérience de porosité, je me suis improvisé passeur. Soit dit en passant, vous n'entendrez jamais dire qu'un chameau a sauté sur une mine. Un conseil, marchez dans leurs traces. Chaque jour, de nouvelles personnes avaient des problèmes avec la douane et venaient me demander conseil. C'est lors d'un des feux de camp que j'allumais le soir pour les galériens du jour que j'ai rencontré Robert. Il voulait échapper à la prison pour une sombre affaire de cœur et arriver de Pologne sans visa. Je lui expliquais comment contourner les postes douaniers, ce qu'il fit à minuit. Il avait l'ambition de faire 40 km à pied jusqu'à la prochaine ville. Après son départ, plus de nouvelles durant un mois. Pour ma part, j'aurais pu emprunter cette dérivation avec mon fourgon, mais à supposer que j'arrive jusqu'à la frontière Mauritanie-Sénégal, celle-ci était définie sur un fleuve, donc obligé de passer sur pont ou par bac. Comment justifier de le traverser sans présenter des tampons officiels ? Sur Terre, et spécialement en Afrique, les pointillés des frontières sont microscopiques face aux traits d'union familiaux. Je comptais donc sur une relation familiale qui devait m'envoyer un visa temporaire depuis Nouakchott, la capitale mauritanienne. Ce document arriva au bout de 20 jours et je le présentai au malade mental qui faisait office de chef de la police. Il passa plus d'une heure au téléphone pour savoir d'où venait ce papier. Il revient me dire « Cette autorisation n'est valable que pour ceux qui arrivent par l'aéroport. » Je retournai donc au village éphémère. Oui, c'était devenu au moins un camping, car je n'étais plus seul. Nous étions maintenant 8 à habiter dans le désert, et tous bloqués par le même policier. Pendant un temps, le fourgon fit office de cantine. Un grand merci au changeur de devises, grâce à qui nous pouvions nous faire apporter le nécessaire. Nous avions aussi de bonnes relations avec les membres de la gendarmerie et les agents de la douane, qui nous fournissaient en eau et étaient solidaires de notre résistance à ce policier tyrannique. Tous les fonctionnaires du secteur s'accordaient sur le fait que sa place était dans un asile, ou une prison, ou mieux encore sur un poteau d'exécution. La police ne peut pas faire la police dans la police. Alors qui ? Leur chef n'avait accédé à ce poste que par le biais de son mariage, car sa sotte de femme était d'une très riche famille mauritanienne. Cependant, il faut croire qu'elle ne lui suffisait pas, car ce connard, lors de son service, en profitait pour essayer de baiser toutes les femmes ou filles qui passaient. On me raconta qu'à la moindre occasion, il les violait. En tout cas, chaque femme qui avait un problème, il lui faisait du chantage au passage. D'ailleurs, alors qu'elle avait son enfant dans les bras, il avait fait des avances à une femme du campement. Cette mère était d'origine française et avait fait ses études à Sciences Po. Encore mieux, elle avait fait avec son mari d'origine sénégalaise un bébé qui avait 1 an. Pour que la situation ne parte pas en bagarre au poste de police, elle n'avait pas dit à son époux ce qu'il lui avait proposé en échange d'un règlement rapide de son problème de visa. Elle me l'a dit, à toute fin utile, après le départ de son mari pour Nouakchott. Ce père m'avait confié sa famille en échange de quoi il ferait mettre un visa sur mon passeport. Je tiens mes promesses, et je les aurais défendues jusqu'à la mort s'il l'avait fallu. Arrangement qui tenait également avec les autres No Man's Lander. Parmi nous, nous comptions une fille de 11 ans, de nationalité française, problème de visa, avec son père, un commerçant mauritanien de 65 ans qui était atteint d'une maladie cardiaque. La vie dans le désert est rude. Très chaud la journée et très froid la nuit. Ce n'est pas un endroit pour des personnes fragiles. Ce policier mettait donc nos vies en danger. Heureusement, le jeune père revient avec des visas pour tout le monde. Après m'être assuré que nous passions tous le poste de police, direction la capitale pour la vengeance. Arrivé à Nouakchott, je suis orienté vers un journal panafricain, où j'ai pu raconter ce qui se passait à la douane du Nord. L'enjeu était géopolitique et le reflet de la vision troublée des racistes nationaux. Dans le sud espagnol, Moro veut dire noir et désigne les personnes très bronzées. Au fil du temps, tout s'en mêla. Ce nom fut attribué au peuple Hassania, puis à la Mauritanie. Précisons que le chef de la police, mort blanc, avait une couleur de peau plus claire que toutes les personnes qu'il avait maintenues dans le désert. Nous, 8 personnes mortes noires, étions originaires du même peuple, Alpulahar, Toucouleur, Peul, Fulani, et encore plus étonnant, de la même famille, Dia, Diallo, Khan. Les Arabes ont inventé le zéro. C'est pratique pour définir la rentabilité. Une personne est rentable en vie ou ne l'est pas. Par contre, trouver le zéro entre noir et blanc est aussi facile que de comprendre le terme « mort blanc », qui se traduit littéralement par « noir dit blanc » ou inversement. La fiction qu'est la race sert à flouter la réalité comme la religion dont elle est issue. Le flux financier explique mieux l'enjeu. Le but de ce Cerbère du Nord, chef de la police, est de ralentir la richesse transitant vers le sud dont l'influence des populations est grandissante. Personnellement, ce n'était pas cet argent qui motivait ma vengeance, c'était la vie. Qui, elle, inclut celle de ceux qui essayaient d'aller vers la richesse du Nord. Donc n'oublions pas toutes les personnes violées, torturées et tuées par ce lève-barrière. L'article écrit, la journaliste, Madame Dia, me promit de ne pas le diffuser avant 3 jours, le temps d'arriver au Sénégal. Après avoir passé la douane Mauritanie-Sénégal au barrage de Diama, j'ai appris que l'article avait fait grand bruit et de grosses vagues. Car il était non seulement sorti en format papier, mais aussi sur le principal média mauritanien du net. En comparaison, c'est comme s'il sortait en première page du journal français Le Monde ou du journal sénégalais Le Soleil. Les jeux des pressions internationales et filiales y sont pour quelque chose, mais humanistement, le résultat fut la disparition de ce chef de la police. Je me répète, mais si vous êtes humaniste et embêté par les nourrissons du capitalisme comme la police mauritanienne, n'hésitez pas à leur faire une salutation majeure de ma part.